ancien. Et sur ces pages, Raider Skill tient les liens. Des pas gravés dans le sable sacré. Des cris d'espoir jamais effacés. On ne parle pas de ce qu'il donne, mais on le sent quand la nuit résonne. Dans chaque silence, sa voix guide. Même le plus perdu trouve une rive. Dans le sable brûlé. Nos âmes éveillées, il ne promet rien, mais nous libère. Quand le vent hurle, il est notre repère. Rideski. Il veille dans la chaîne. Dans chaque stream, une étincelle. Le désert le suit, pixel par pixel. Son monde s'anime, pur essentiel. Pas besoin d'or, ni de métal. Sa présence suffit, brutale et vitale. Il construit avec des sons et des mots. Un refuge quand tout devient chaos. Redeski. Battre le tempo.